Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de ce journal de la mi-journée de ce mardi dont voici les grands titres. Les utilisateurs des bouteilles en plastique pour emballer les marchandises et plaident pour la disponibilité des alternatives à ces plastiques. Et le parti Sawanya Fodebou déplore la persistance des divisions entre les classes sociales sous d'autres formes. Et en actualité internationale, on va parler du séisme en Turquie qui aurait coûté la vie à 4000 personnes. Et voilà pour l'essentiel. Vous n'avez pas Isanganilo ? Vous ratez l'essentiel. Les divisions jadis ethniques risquent de se transformer en divisions de classe sociale nanti ou moins nanti, constat du président du parti Sawanya Fodebou dans un communiqué sorti à l'occasion de la célébration du 32e anniversaire de la Charte de l'Unité Nationale. Pour ce, honorable Pierre Claverna, imam a plaidé pour l'organisation d'une conférence nationale sur l'unité nationale pour l'évaluation. On l'écoute. Lors de l'élaboration et adoption de la Charte de l'Unité Nationale au Burundi en 1991, la principale division du pays était basée sur la question ethnique entre les Hutus et les Tutsis. Après plusieurs années de traversée du désert et d'efforts pour mettre fin aux mortelles conséquences de cette division, nous constatons que progressivement, le Burundi est en train de sortir de cet engrenage. Le parti Sawanya Fodebou constate cependant qu'il subsiste encore des séquelles et plaisent encore complètement fermées, conséquentes à la longue période de division ethnique depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Leurs manifestations visibles sont les réfugiés extérieurs et intérieurs, conséquents aux différentes crises que le Burundi a connues, particulièrement en 1992, 1988, 1993 et 2015. Le parti Sawanya Fodebou constate aussi que les divisions qui étaient ethniques dans l'OTAN peuvent évoluer rapidement si on n'y prend pas garde vers d'autres formes tout aussi dangereuses basées sur la gouvernance et la pauvreté dans le pays. Ainsi donc, à marge d'une gouvernance politique et économique qui ne parvient pas à juguler les problématiques de partage équitable et équilibré des richesses nationales entre tous les enfants de la nation, le risque est grand que des divisions entre classes sociales nanties et moins nanties s'installent au Burundi. Ainsi donc, face à ce constat et ces nouveaux défis, le parti Sawanya Fodebou recommande au gouvernement, comme il avait fait en 1991, d'organiser une conférence nationale sur l'unité nationale afin d'évaluer le pas franchi, identifier les nouveaux défis et les solutions à y apporter et ainsi mettre à jour la charte de l'unité nationale au Burundi qui a été adoptée en 1991. La participation du président rwandais lors d'un sommet des chefs d'État membres de l'EAC tenu au Burundi est l'un des signes qui prouve que les relations diplomatiques entre le Burundi et le Rwanda vont s'améliorer. Analyse de Dr Guillaume Ndaïkengurutse, politologue et expert en relations internationales, il part du 20e sommet extraordinaire qui a réuni à Bujumbura en date du 4 février. Les présidents des pays membres de la communauté est africaine. C'est aussi d'un côté une bonne réalisation de la part du président burundais Evariste Ndayishimiye qui avait convoqué le sommet. Mais d'autre part, c'est tout à fait normal qu'il réponde présent. Ce qui aurait été anormal, c'est quand il n'aurait pas été présent à ce rendez-vous dont l'objet principal était d'étudier ensemble la question sécuritaire en RDC. Suivez Dr Guillaume Ndayikengurutse, il est au micro de Léonce Vitalio. Il faut comprendre qu'en tant que résident en exercice de la communauté est-africaine, il est tout à fait normal que quand il invite ses homologues à une réunion ou à un sommet extraordinaire, il est tout à fait normal qu'ils répondent. En même temps, il faut tenir compte de l'objet de ce sommet tel qu'il a été annoncé par les autorités. C'était la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. D'une manière ou d'une autre, dans un sens ou dans un autre, les chefs d'État de la sous-région considèrent cette question comme une question cruciale pour la région. Par rapport à la présence du président Paul Kagame à Bujumbura, ça faisait longtemps. Et en matière diplomatique, les rituels et les symboles sont très importants et sont en quelque sorte le baromètre de la santé et des relations diplomatiques qui existent entre deux États. Alors qu'ils viennent au Burundi, ça c'est déjà un signe éloquent de l'assainissement des relations entre le Rwanda et le Burundi. Et puis cette poignée de main que nous avons vue, je ne sais pas si les gens ont constaté qu'on nous disait qu'ils se sont rencontrés ici ou ailleurs, mais jamais cette poignée de main, on ne l'avait jamais vue. Or, cette poignée de main, dans les études diplomatiques, c'est aussi quelque chose de symbolique au niveau de l'assainissement des relations. Et puis il faut également noter qu'il a été reçu, après le sommet des chefs d'État, il a été reçu en tête-à-tête par le président du Burundi. Et c'est un signe d'assainissement des relations entre le Rwanda et le Burundi après plusieurs années de crispation. Mais en même temps, il faut constater que le sujet pour lequel le président du Rwanda était au Burundi, on ne nous a pas dit qu'il s'agissait de parler des relations entre le Rwanda et le Burundi. Mais probablement, d'une pierre, deux coups. Est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à l'amélioration des relations entre le Burundi et le Rwanda, l'amélioration des relations entre les Burundais et les Rwandais? Nous avons toujours dit que ça tarde, mais que ça devrait finir par là. Parce que le Rwanda et le Burundi, ce sont des États qui ont toujours entretenu des relations, si vous voulez, qui ont évolué en dents de scie, mais qui somme toute étaient cordiales. En matière de relations internationales, il n'y a jamais de relations entre deux États qui soient complètement saines. Ouais. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Le journal est continué dans les studios de la radio Isanganiro. Le gouvernement burundi, le Saint-Siège, convient d'ouvrir de nouveaux espaces de dialogue et de collaboration institutionnelle à travers des accords de coopération à l'occasion du lancement officiel de la semaine dédiée au 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Le nonce apostolique a indiqué que l'Église catholique a toujours soutenu le Burundi, surtout dans le secteur de l'éducation et de la santé, à travers différents projets de développement. Monseigneur Datonou, suivez-le, il est un nonce apostolique au Burundi. Il faut noter que l'une des choses, l'une des privilèges, l'un des événements majeurs que nous sommes en train de célébrer, c'est aussi que le Burundi a été le tout premier pays africain à accorder le décanat aux nonces. Il résidait ailleurs, donc à Léopoldville, mais ici, il était doyen du corps diplomatique, c'est le. Alors donc ça, c'est de grands succès qui marquent la qualité des relations entre le Saint-Siège et ce pays, mais en même temps qui prend acte de profondes valeurs dont ce peuple vit. Aujourd'hui, donc, nous avons inauguré la commémoration du centenaire et au fur et à mesure que les jours vont passer, il y aura d'autres messages. Je voudrais encore une fois remercier tous les acteurs. Mais il y a un autre volet que je voulais souligner. Vous voyez, le Burundi s'honore de la visite d'un pape qui est venu passer 3 jours ici. Et ce pape-là, aujourd'hui, il est saint. C'est le pape Jean-Paul II. Il a foulé la terre de ce pays. On le voit s'abaisser, s'agenouiller et baiser le sol burundais. Cette terre, c'est une terre bénie qui a reçu le baiser d'un pape. Mais aussi, il y a eu plusieurs présidents burundais qui sont rendus au Vatican et ils ont abordé plusieurs thèmes de coopération. Donc tout cela, c'est cela que nous célébrons. Nous célébrons aussi ceux qui se sont engagés aux côtés des autorités de ce pays, comme évêques, prêtres qui aujourd'hui ne sont plus, qui ont semé sur cette terre et ce qu'ils ont semé a germé. Nous avons beaucoup de cadres de ce pays qui ont étudié dans les institutions catholiques et qui sont à des hauts niveaux aujourd'hui. Il y a des gens qui ont été soignés dans des centres de santé. Nous célébrons aussi cela. Il y a des gens à qui on a porté secours, n'avaient pas de maison, ils étaient revenus, ils étaient peut-être des exilés, ils étaient en difficulté, des orphelins que l'Église dans cette structure a reçus et a aidé, lui a tendu les mains et aujourd'hui ils ont retrouvé leur chemin dans la vie. C'est tout cela que nous voulons célébrer. La fraternité, la solidarité, l'amitié. Des propriétaires des parcelles à Kizingwe Bihara ont effectué un sit-in le matin de son mardi au bureau de l'association APTKB qui traitait les dossiers relatifs à ces parcelles. Ils expliquent que la convention signée avec la dite association n'est pas respectée et d'autres se sont retrouvés leurs parcelles morcelées. Ils demandent aux représentants de l'association et au ministre des infrastructures de trouver solution à leurs problèmes. Suivez Alexandre Abonimana qui a représenté ces propriétaires. Il y a des propriétaires qui se voient faire des parcelles morcelées sans raison valable. Il y a ceux qui se voient fusionner par quelqu'un d'autre. Ce qui se fait contre les clauses de la convention que la PTKB a signée avec CIP en 2013. Parce que la convention, sur cette question de fusion, stipule très bien que la fusion concerne les propriétaires qui ont, après la viabilisation, une parcelle inférieure à la plus petite parcelle du plan de lotissement. Mais maintenant, on observe des propriétés en 3 ans, 4 ans, voire même plus, qui sont fusionnées avec quelqu'un d'autre. Ce qui montre une manœuvre frauduleuse parce que je vous ai déjà dit qu'il y a beaucoup, beaucoup, plus que de la moitié, ils ont vu les parcelles morcelées. Vous comprenez qu'ils ont, je dirais que c'est une fraude organisée. Ce travail n'est pas du tout clair et transparent. C'est parce que le Bourra n'a pas posé sa signature, n'a pas mis son cachet sur ses listes. Nous voyons uniquement le cachet de la PTKB. Nous demandons premièrement au président de la PTKB de faire le mieux possible parce que les propriétaires, maintenant, ils ont déposé les lettres de réclamation pour qu'ils puissent traiter ces dossiers et donner la réponse qu'il faut. Redonner ces portions qu'ils ont morcelées aux propriétaires. Et maintenant, ce n'est pas question de dire qu'il faut que la PTKB trouve cette solution. Parce que nous avons remis nos parcelles aux mains du gouvernement via le CIP. Alors maintenant, après la viabilisation, il faut que CIP honore son engagement, honore les clauses du contrat. Et sur ce, le représentant de l'association APTKB répond que toutes ces accusations ne sont pas fondées. Bécha Hippolyte Nouvachi explique que la viabilisation a été décidée par les propriétaires des parcelles eux-mêmes. Après une courte pause, on sera en actualité internationale. Actualité internationale. Plus de 4000 personnes seraient mortes en Turquie et en Syrie suite au tremblement de terre de ce lundi et plus de 20 000 blessés. Et dans la région des Grands Lacs, le président angolais a reçu ce lundi le président congolais Félix Tshisekedi pour échanger sur les tensions à l'est de la République démocratique du Congo. Les détails avec Mireille Kanyangi. Débutons cette actualité internationale par la Turquie et la Syrie, où plus de 4800 personnes seraient mortes après les deux tremblements de terre qui ont frappé les deux pays, écrit la RFI. Selon toujours ce site web, plus de 20 000 autres personnes ont été blessées et près de 5 800 bâtiments se sont effondrés. Selon ce site web, c'est un gros tremblement de terre qui a eu lieu près de Gaziantep et a été estimé à 7.8, classé comme majeur sur l'échelle de magnitude officielle. À 10 heures de ce mardi, la RFI a écrit que les morts dus à ces deux tremblements de terre oscillaient autour de 5 000 morts. En Grèce, la RFI rapporte au moins 3 migrants morts et une vingtaine d'autres qui sont présumés disparus dans un deuxième naufrage dès le début de cette semaine, comme annoncé par les gardes-côtes grecs. Les trois personnes décédées, deux femmes et un homme, appartenaient à un groupe estimé à 41 membres au total, dont le canot a coulé après avoir heurté un récif près de l'île grecque de Lesbos, selon le porte-parole des gardes-côtes qui s'est adressé à l'agence France Presse. Selon toujours ce site, 16 personnes ont pu être sauvées et les recherches sont handicapées par des vents violents. Et dans la région des Grands Lacs, la RFI rapporte une rencontre entre le président angolais et le président congolais ce lundi 6 février à Luanda. Les deux hommes, selon toujours ce site web, ont échangé sur les tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali et les offensives de M23 dans l'est de la RDC. Selon ce site web, le tête-à-tête a duré environ 2 heures ce lundi et il n'y a pas eu de communiqué final ni d'interview ou de conférences. Selon toujours ce site web, les partenaires européens et américains insistent pour maintenir un cadre de dialogue entre le président rwandais et le président congolais. Ces partenaires comptent particulièrement sur l'influence du président angolais dans la région et les rapports qu'il entretient avec ses homologues congolais et rwandais. Retournons au pays où des commerçants qui utilisent des bouteilles en plastique pour emballer leurs marchandises comme des jus et de l'huile de palme et ou de coton disent avoir bien accueilli la mesure du gouvernement interdisant l'usage de ces bouteilles de récupération. Ils trouvent cependant que le gouvernement doit disponibiliser les autres emballages et qu'il les trouve adéquats. C'est après que le Bureau burundais de normalisation et de la qualité BBN ait annoncé qu'à partir du 26 du mois en cours, l'usage de ces bouteilles de récupération sera interdite sur tout le territoire national. Les détails avec Évariste Nzikobanyang. Certains des commerçants détaillant de l'huile de palme, de l'huile de coton et des jus au marché d'Ikotebu et Bujumbura, City Market dit Chassillon, accueille à bras ouverts la mesure du gouvernement interdisant l'usage des bouteilles en plastique dites de récupération, surtout celles utilisées à emballer l'eau minérale. Cela étant, ces commerçants constatent que cette mesure a été prise à la hâte et que la date butoir est plus proche. Ils demandent cependant la prolongation de ce délai, quitte à se préparer en conséquence. Ces commerçants détaillant des marchandises en liquide demandent au gouvernement de disponibiliser les emballages qui ne sont pas nocives à la santé humaine. Les autres victimes de cette mesure prise par le bureau burundais de normalisation BBN, ce sont les gens qui collectaient ces bouteilles après leur premier usage, au moment où l'argent issu de ce métier aidait à survivre. Ces derniers s'attendent au chômage une fois que cette mesure est mise en application. Ceux qui collectent ces bouteilles de récupération les vendent à 500 francs bout le kilo. Des informations recueillies auprès des acheteurs de ces bouteilles qui ont recueilli l'anonymat indiquent que ces bouteilles dites de récupération sont embarquées vers l'étranger ou sont recyclées, ajoutent ces mêmes sources. Merci Évariste Nzikobanyanga. Et c'est parti que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée de ce mardi. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour la parfaite collaboration. Vestine Outou, j'étais à la présentation. Au revoir.